tête en vrac, je mâche mes mots, imbibé d'alcool, plus trop étanche, vers une voix douce, je me penche, la bouteille est ma seule amie, depuis 3 ans, elle régit ma vie, je veux en finir, coûte que coûte, j'aimerais juste que l'on m'écoute. C'est là, tu comprends quoi? Casse-toi, hey mon gars, faut pas rester là. Tu comprends quoi? Déraper ma vie, licenciement, restructuration. Pour moi, tout ça fut une destruction. Avec ma femme, ce fut vite le split. Petit à petit, mes forces me quittent. Les liens sociaux, je n'en ai plus dans la rue. Personne ne m'a reconnu. Tu comprends quoi? Casse-toi, hey mon gars, faut pas rester là. Tu comprends ou quoi? Hey mon gars, t'es mort.